Constantinople par Pierre Loti. Stamboul. De tous les noms qui m'enchantent encore, c'est toujours celui-là, le plus magique. Sitôt qu'il est prononcé, devant moi une vision s'ébauche, très haut en l'air, et d'abord dans le vague des lointains, s'esquisse quelque chose de gigantesque, une incomparable silhouette de ville. La mer est à ses pieds, une mer que sillonne par milliers des navires, des barques, dans une agitation sans trêve, et nous monte une clameur de Babel en toutes les langues du Levant. La fumée flotte, comme un long nuage horizontal, sur l'amoncellement des paquebots noirs et des caïques dorés, sur la foule bariolée qui crie ses transactions et ses marchandages. L'incessante fumée recouvre tout de son voile, et c'est là-bas, au-dessus de ses buées et de ses poussières de houille, que la ville immense apparaît comme suspendue, en plein ciel clair, pointent des minarets aussi aigus que des lances, montent des dômes et des dômes, de grands dômes ronds, d'un blanc gris, d'un blanc mort, qui s'étagent les uns sur les autres comme des pyramides de cloches de pierre. Les immobiles mosquées, que les siècles ne changent pas, plus blanches peut-être au vieux âge, ces mosquées saintes, quand nos vapeurs d'Occident n'avaient pas encore terni l'air alentour, et que les voiliers d'autrefois venaient seuls mouiller à leur ombre, mais paraient toujours, et depuis des siècles courant dans Stamboul de leur même coupole géante, lui donnant cette même silhouette unique, plus grandiose que celle d'aucune ville de la terre. Elles sont l'immuable passé, ces mosquées. Elles recèlent dans leurs pierres et dans leurs marbres le vieil esprit musulman, qui domine encore là-haut où elles se tiennent. Si l'on arrive des lointains de Marmara ou des lointains d'Asie, on les voit émerger les premières hors des brumes changeantes de l'horizon. Au-dessus de tout ce qui s'agit de moderne et de mesquin sur les quais et sur la mer, elles font planer le frisson des vieux souvenirs. Le grand rêve mystique de l'islam, la pensée d'Allah terrible et la pensée de la mort. Au pied de ces mosquées sombres, j'ai passé autrefois le plus inoubliable temps de ma vie. Elles ont été les témoins constants de mes courses d'aventure, pendant que les jours délicieux d'alors fuyaient si vite. Je les voyais de partout, arrondissant là-haut leurs grands dômes, tantôt blancs et mornes sous les soleils d'été, quand j'allais chercher l'ombre des platanes sur quelque vieille place solitaire, tantôt vaguement noirs, par les nuits de décembre, sous les froides lumières indécises, comme au caïque glissait clandestinement le long de Stamboul endormi, toujours présente et presque éternelle, auprès de moi, passant d'un jour sans lendemain, jetée là par le hasard. De chacune d'elles émanait une tristesse différente, un recueillement spécial qui planait sur tout le quartier solennel d'alentour. Peu à peu, je les ai aimées étrangement, à mesure que je vivais davantage de la vie turque, que je m'attachais plus à ce peuple rêveur et fier, et que mon âme transitoire de ce temps-là, toute pleine d'un amour angoissé, s'ouvrait au mysticisme oriental. Ensuite, quand il a fallu partir, oh, avec quelle mélancolie sans borne, m'éloignant, un soir pâle de mars, sur la mer de Marmara, j'ai regardé cette silhouette de ville lentement diminuer, peu à peu s'anéantir. Lorsque tout fut vague, presque perdu, seuls les grands dômes et les minarets apparaissaient toujours au-dessus du froid brouillard de mer. Seul persistait le haut contour superbe de Stamboul. Et alors, dans cette dernière image, c'est symbolisé, pour ainsi dire, tout ce que je laissais là derrière moi de regretter amèrement. Toute ma chère vie turque a jamais fini. La silhouette unique s'est gravée en dedans de mes yeux de manière à ne plus s'effacer. Pendant les années de vie errante qui ont suivi, pendant mes exils, partout, sur les mers lointaines, j'ai revu, dans mes rêves des nuits, la ville des dômes et des flèches se profiler à l'imaginaire horizon gris des sommeils, m'apportant chaque fois une impression triste de patrie perdue. Je la dessinerai par cœur sans une faute, et dans la vie réelle, chaque fois que j'y reviens, c'est encore avec une émotion à la fois pénible et délicieuse que le temps n'a guère atténué. Mais je ne crois pas cependant que le mirage de mes souvenirs personnels m'illusionne outre mesure sur le prestige de cet aspect. Il est incontesté et il est légendaire. Des voyageurs quelconques, même de ceux qui ne comprennent rien à rien, reçoivent une singulière impression d'arriver dès que l'imposante silhouette commence à s'esquisser au loin. Et tant que Stamboul, banalisé hélas de jour en jour et profané à présent par tout le monde, conservera ce premier abord et ses lignes, il restera encore, malgré tout, la merveilleuse cité des califes, la cité reine d'Orient. Autour de Stamboul se groupent d'autres quartiers, d'autres villes et des séries de palais et de mosquées dont l'ensemble forme Constantinople. D'abord Péra, où les chrétiens habitent, puis le long du Bosphore, de Marmara à la mer Noire, une suite presque ininterrompue de faubourgs. Et par d'innombrables bateaux, par des légions de caïques, toutes ces parties du même tout communiquent ensemble. La grande ville, éparse le long des rives, égrène ses foules bigarrées sur la mer, et la mer est couverte de passants. La mer est un lieu qui s'anime chaque jour d'un perpétuel va-et-vient. Quartier bien distinct, dont les habitants sont de races, de religions, de costumes différents. Quartier qui jamais ne se ressemble. Aucune capitale n'est plus diverse par elle-même, ni surtout plus changeant d'heure en heure, avec les aspects du ciel, avec les vents et les nuages, dans ce climat qui a des étés brûlants et une admirable lumière, mais qui par contre a des hivers assombris, des pluies, des manteaux de neige tout à coup jetés sur les milliers de toits noirs. Et ces rues, ces places, ces banlieues de Constantinople, il me semble qu'ils sont un peu à moi, comme aussi je leur appartiens. Tous ces désœuvrés de boulevards que l'Express Orient y jette maintenant en foule, je leur en veux de s'y promener, comme à des intrus profanant mon cher domaine, sans y apporter l'admiration ni le respect, que le vieux Stamboul commande encore. Ces quartiers, qu'ils regardent avec un banal étonnement, et que je connais moi, comme ceux de pas une ville au monde, je les parcours jadis à toute heure du jour ou de la nuit, me mêlant d'ordinaire, au gré de ma fantaisie d'alors, à la vie des plus humbles d'entre les gens du peuple. Mais comment pourrais-je en parler avec l'impartialité qu'il faudrait? J'y retrouve à chaque pas des souvenirs de jeunesse et d'amour. Comment les jugerais-je? Je les adore. 6 heures du soir, le même jour. Qu'on me le pardonne, j'ai passé ma journée en pèlerinage au cimetière, en visite de souvenirs à des recoins quelconques n'ayant d'intérêt que pour moi-même. L'heure du soleil couchant me trouve au quai de Topané, assis en plein air devant un café, ce qui est une habitude de la vie d'Orient, à regarder passer le monde et tomber la nuit. À Galata, dont la grande rue éternellement bruyante vient mourir à ce carrefour, une clameur s'enfle en crescendo, et bien qu'assourdie dans le lointain, arrive déjà jusqu'ici aux rêveurs assis sur les divans rouges. C'est la grande Babel du Levant, ce Galata. Jusqu'au matin, le long du Bosphore, s'élève de tout ce quartier une clameur d'enfer. Galata, au dernier crépuscule et aux lanternes, cohue et tapage. Sur les pavés, mon cheval sautille, un peu effaré au milieu des passants innombrables, dans le flot des fesses rouges et les costumes de bure. Il y a d'autres cavaliers qui passent ventre à terre. Il y a un va-et-vient continuel de voitures et de lourds tramways précédés de coureurs qui sonnent de la trompe. Il y a une odeur d'alcool, d'absinthe et d'anis. Les grands estaminets d'Anjou s'ouvrent et s'éclairent. Les grands alcazars invraisemblables illuminent leurs façades pavoisées. Ceux où l'on joue la pantomime italienne à côté de ceux où des orchestres de dames hongroises exécutent le répertoire de Strauss. Déjà les mauvais lieux regorgent de monde. Des gens assis devant les cafés encombrent la voie étroite et sont bousculés par les chevaux. On est assourdi d'un brouhaha de conversations dans toutes les langues, d'un bruit confus de cymbales, de sonnettes et de grosses caisses. Et je cours maintenant au grand trot dans ce débordement d'hommes, m'amusant à dire comme autrefois à voix claire « Bestour, bestour, gare, gare !» Le cri des foules turques, qui est comme le balek, balek des foules arabes. À l'hôtel là-haut, la banalité d'une fable d'hôte. Un monsieur touriste, récemment vomi par l'Orient Express, daigne me demander quelques renseignements pratiques. Il n'y a rien à faire à Stamboul le soir, n'est-ce pas, monsieur? C'est le cliché que vous servent tous les guides des hôtels qu'il n'y a rien à voir à Stamboul le soir et que les promenades y sont périlleuses. Je le dévisage tout d'abord. Oh non, monsieur, en effet, à Stamboul, rien du tout. Mais ici, à Péra, tenez tout à côté, faites-vous indiquer. Vous avez 2 ou 3 beuglants délicieux. Et vite, après ce dîner, un cheval de louage pour m'enfuir. Dans la belle nuit d'étoiles, je descends par le petit champ des morts. Je chemine ensuite dans Galata, qui est en pleine fête, et enfin, quittant cette rue bruyante, je m'arrête au bord de l'eau, à l'entrée d'un pont qu'on ne voit pas finir, mais qui s'en va se perdre au loin dans l'obscurité confuse. Là, tout change brusquement, comme change un décor de ferry au coup de sifflet des machinistes. Plus de foule, ni de lumière, ni de tapage. Une profonde trouée de nuit et de silence est devant moi. Un bras de mer étend son vide tranquille entre ces quartiers assourdissants que je viens de traverser et une autre grande ville d'aspect fantastique qui apparaît au-delà sur le fond étoilé de la nuit en silhouette toute noire dentelée de minarets et de dômes. Elle se profile si haut que les coupoles de ses mosquées, s'exagérant dans les buées enveloppantes, prennent des proportions de montagne. C'est un soir de Ramadan. Alors, à tous les étages de ces minarets, autour de leur galerie festonnée, brillent des rangs de feu en couronne, et dans le vide, entre ces flèches de pierre qui pointent en plein ciel, des inscriptions lumineuses suspendues par d'invisibles fils effraient comme des signes apocalyptiques tracés dans l'air avec du feu. J'ai hâte d'être là. Un attrait, une indicible émotion de souvenir me fait presser le pas, dans l'obscurité de l'interminable pont qui mène à travers ce bras de mer à cette ville si noire. À mesure que j'approche, montent toujours plus haut les coupoles et les minarets avec leurs couronnes de feu. Me voici à leurs pieds. Je quitte le plancher mouvant du pont pour les cailloux et les fondrières d'une première place obscure que domine la masse superbe d'une mosquée. Je suis à Istanbul. Je vais tourner le dos au quartier neuf, au boulevard récemment aligné, dans les parages de Sainte-Sophie et de la Sublime Porte, qu'éclairent maintenant, hélas, des becs de gaz, où circulent des voitures, des équipages d'ambassades promenant d'aventureux voyageurs. C'est vers le vieux Istanbul, encore immense, Dieu merci, que je me dirige, montant par de petites rues aussi noires et mystérieuses qu'autrefois, avec autant de chiens jaunes couchés en boule par terre, qui grognent et sur lesquels les pieds butent. Mon Dieu, pourvu que quelques villes ne me les détruisent pas, ces chiens. J'éprouve une sorte de volupté triste, presque une ivresse, à m'enfoncer dans ce labyrinthe, où personne ne me connaît plus, mais où je connais tout, comme m'en ressouvenant de très loin d'une vie antérieure. Il fait une nuit de mai douce, merveilleuse. L'obscurité garde une transparence qui permet de se conduire, et au-dessus de ma promenade errante, mais très haut, n'éclairant pas plus que les étoiles, planent de tous côtés les cercles de feu accrochés aux minarets des mosquées, les inscriptions lumineuses suspendues dans l'air. Les étroites rues sombres que j'ai prises débouchent tout à coup sur l'immense place du Seraskirat, pleine de lumière, de monde, de musique, de costumes. Mais je traverse seulement ce lieu pour pénétrer plus avant dans le cœur de la vieille ville, dans les quartiers exquis et non profanés encore de la Souleymaniye et de Sultan Selim. Tantôt l'obscurité des petites rues funèbres, tantôt les lumières et les foules. Dans les cafés des musiques d'Orient, violons tristes qui gémissent des mélodies à fendre l'âme, cornemuses qui chantent de vieux airs à voix aigre et plaintive, et des campagnards, des asiatiques, dansent entre hommes, en longue chaîne, se tenant par la main. De toute cette étonnante chose qui est une nuit de Ramadan à Istanbul, voici l'image qui, ce soir-là, me charme le plus. Vers minuit, dans une rue solitaire, tout simplement un harem qui passe. Très étroite la rue, très obscure. Par-dessus les hautes maisons grillées, sur un coin de ciel étoilé, on voit monter les minarets de la Souleymaniye, gigantesques pointes noires, diaphanes, dirait-on, qui portent dans leur longueur deux ou trois couronnes superposées de feu mourant. Un grand silence, et d'abord personne. Puis un groupe qui arrive, un groupe de cinq ou six femmes, chaussées de babouches qui ne font pas de bruit. Fantômes bleus, rouges ou roses, enveloppés jusqu'aux yeux dans ces pièces de soie lamées d'or qui se fabriquent en Asie. Deux eunuques les pressaient d'armées de bâtons, les éclairant avec de grandes lanternes anciennes. Cela passe, féerique et charmant. Cela s'éloigne, cela s'en va on ne sait où, s'enfermer dans on ne sait quel coin du mystérieux dédale, et l'obscurité semble plus épaisse après qu'ont disparu les feux de leurs lanternes, qui faisaient danser leurs ombres sur les vieux pavés et les vieux murs. C'était Constantinople, par Pierre Loti.